C'est un petit coin de bitume où gronde le silence et le vent qui transbahute l'amertume de l'hiver, même au printemps. Le soleil, lui, sans doute ailleurs, mais ici, il est éclipsé par les étages supérieurs de la tour A et la tour C. Un homme est là, la bouche ouverte face à terre et souriant comme sourire est là, juste ici, inerte, tranquille, sans doute fait-il un somme. Parce que ton nom venait de trop loin. Mais qui t'a dit que tu valais moins? Car ton pigment n'était pas le sien. Mais qui? Mais qui t'a? Qui? Les pieds dans les graviers, il dort. Poussière colle son épiderme. Comme en haut d'un mirador, une fenêtre se referme. Sa nuque baigne dans le béton et l'air glacé des éclairages attire à lui quelques piétons. Soudain on le berce de rage. Des gouttes de pluie ne font pas tressauter sa peau calme et noire. Il a deux trous au côté droit, une craie entoure sa mémoire. Parce que ton...